إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui de méditer ensemble sur quelques événements importants de la vie du prophète Yusuf alayhi salam. Nous avons vu hier le complot de ses frères contre lui, qui le jetèrent au fond d'un puits et finirent par le vendre à des voyageurs pour un prix insignifiant en le faisant passer pour leur esclave. Yusuf alayhi salam se retrouva donc par la suite en Égypte et fut acheté par l'intendant d'Égypte qui décida de le garder comme servant ou comme enfant, et il recommanda à sa femme de bien s'en occuper. Yusuf alayhi salam fut donc honoré dans ce palais, mais c'est là-bas qu'une autre épreuve l'attendait. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 22, toujours de surat Yusuf, « وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est-à-dire que lorsque Yusuf alayhi salam grandit et atteint sa maturité morale et sa maturité physique, et qu'il fut en mesure de supporter les charges de la prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda sagesse et savoir. Il devint donc prophète et messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est-à-dire qu'il fut récompensé en raison de sa bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, adoration qu'il accomplissait à la perfection, mais aussi en raison de sa bienfaisance envers les créatures pour qui il était utile et profitable. Donc les serviteurs bienfaisants sont rétribués en bien ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, après avoir grandi, Yusuf alayhi salam fit face à une nouvelle épreuve. Une épreuve qui fut plus difficile que la première. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset suivant, « وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ » Celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire. Cette épreuve fut pour Yusuf alayhi salam une épreuve plus difficile que l'épreuve du complot de ses frères. En effet, lors de la première épreuve, il n'eut d'autre choix que de patienter et de faire face à leurs nuisances car il ne pouvait pas les repousser. Mais face à cette nouvelle épreuve, il eut besoin de faire preuve d'une patience exemplaire et d'une grande fermeté. Pourquoi ? Pour ne pas succomber au mal et ne pas tomber dans le péché. Yusuf alayhi salam était donc dans la maison de l'intendant d'Égypte, maison dans laquelle on a dit où il était honoré. Et Yusuf alayhi salam était doté d'une grande beauté qui poussa celle qu'il avait reçue dans sa maison à tenter de le séduire. Et cette dernière était elle aussi dotée d'une grande beauté. Yusuf alayhi salam était à ses services. C'était son domestique. Il était seul avec elle dans la maison. Il était donc facile de commettre l'interdit sans attirer l'attention de personne. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ » Et elle ferma bien les portes. La situation donc s'aggrava. Ils étaient encore plus isolés. Et ils étaient à l'abri de l'arrivée de toute personne, étant donné que les portes étaient bien fermées. Puis elle s'offrit à lui et lui dit « Haytalak » C'est-à-dire « Viens, commettre avec moi le péché et la turpitude, wal'ayadu billah » Yusuf alayhi salam était un jeune homme pudique, mais c'était un jeune homme célibataire. Il se retrouva donc seul avec cette femme qui le convoitait et qui lui ordonnait de commettre avec elle le péché. Toutes les circonstances étaient donc réunies pour qu'un homme succombe à la tentation et qu'il tombe dans le péché et la transgression. C'était son domestique. Elle était sa maîtresse, il était donc sous son autorité, ils étaient seuls, isolés et enfermés, et en plus de cela, elle le menaçait d'une sanction s'il ne répondait pas à sa demande. Malgré cela, Yusuf alayhi salam fit face à cette épreuve avec une patience exemplaire face au péché, et il fit prévaloir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala au désir de son âme incitatrice au mal. Il délaissa donc pour Allah subhanahu wa ta'ala ce que son âme désirait et ce à quoi cette femme l'invitait. Car lorsque la foi et la science se trouvent dans le cœur du serviteur, si celui-ci est véridique, Celle-ci implique qu'il délaisse tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il lui dit donc, « Ma'ad Allah, je cherche protection, je cherche refuge auprès d'Allah. » C'est-à-dire, je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait de commettre ce péché ignoble. Car celui qui commettrait ce péché encourrait alors la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui rappelant ensuite que ceci serait également une forme de trahison à l'égard de son maître qui s'occupait bien de lui et l'avait honoré. Il dit donc, « Innahu Rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihu al-zalimun. » Mon maître m'a accordé un bon asile, il m'a bien accueilli. Il lui rappelle cela afin qu'il comprenne qu'il ne lui convenait pas de trahir son maître dans son honneur en commettant la turpitude avec son épouse. Car ceci serait vraiment une grande injustice. C'est pour cela qu'il dit vraiment les injustes ne réussissent pas. On voit donc que pour faire face à la tentation, Yusuf alayhi salam a placé devant lui différentes barrières. Des barrières à ne pas franchir, et ce, afin de se protéger face au péché. La première barrière est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de qui il cherche un refuge. Car celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, cela implique qu'il se soumette à ses ordres et qu'il délaisse ses interdits, qu'il délaisse donc les péchés. La deuxième barrière est le rappel du droit de son maître, droit qu'il ne lui convenait pas d'enfreindre. En effet, lorsque l'âme appelle à un péché, il convient également, si ce péché est lié au droit des créatures, de se rappeler de leurs droits, et qu'il n'est pas permis d'enfreindre les droits d'autrui. Et la troisième barrière était de préserver sa personne de l'injustice. Il se rappela donc que les injustes ne réussissent pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset suivant, « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا » Elle le désira et il la désira. « لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ » N'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. C'est-à-dire que Yusuf alayhi salam refusa de succomber au désir de son âme, car Allah subhanahu wa ta'ala lui fit grâce de la foi dans son cœur. Une foi qui implique nécessairement la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement de ses interdits. Telle est la foi véridique. Allah subhanahu wa ta'ala le préserva donc du péché de la turpitude. Il dit subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَى إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était un de nos serviteurs, مُخْلَصِين. مُخْلَصِين ici cela veut dire un de nos serviteurs élus, c'est-à-dire un des serviteurs à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de ses faveurs en les préservant des actes blâmables et des péchés. Et selon une autre lecture, « Innahu min ibadina al-mukhlisin » Il était un de nos serviteurs mukhlisin, c'est-à-dire un de nos serviteurs sincères. Et on tire alors comme bénéfice que c'est en raison de sa sincérité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah le mit à l'abri de ses graves péchés. On voit donc ici les fruits de la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Suite à cela, après avoir refusé son invitation, ils se mirent tous deux à courir vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent donc son mari derrière la porte, et immédiatement elle tenta de s'innocenter et dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Elle s'innocenta donc, et accusa Yusuf alayhi salam de l'avoir convoité, tout en prenant soin de s'innocenter d'avoir commis la turpitude. Car elle a dit de celui qui a voulu du mal à ta famille. Elle n'a pas dit celui qui a fait du mal, afin que l'on comprenne bien qu'il n'était pas passé à l'acte. Mais Yusuf alayhi salam de dire, c'est elle qui a voulu me séduire. C'est elle qui l'a convoité. Ce n'est pas lui. À ce moment, la situation devint alors confuse, car il n'était pas possible de savoir lequel des deux était véridique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours à la vérité et à la véracité des signes permettant de les distinguer du faux et du mensonge. Et ces signes peuvent parfois être ignorés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fit grâce à Yusuf alayhi salam en permettant ici de reconnaître sa véracité et reconnaître qu'il était innocent de ce péché. Un témoin de la famille de celle-ci témoigna alors. Et il fit une suggestion en disant, « Si la tunique de Yusuf est déchirée par devant, Alors, c'est elle qui dit la vérité, tandis que lui est du nombre des menteurs. En effet, si sa tunique aurait été déchirée par devant, ceci signifierait qu'il serait venu à elle et qu'elle se serait ainsi défendue en le repoussant. Puis il dit, mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti, tandis que lui est du nombre des véridiques. En effet, si sa tunique est déchirée par derrière, ceci serait une preuve qu'il aurait tenté de fuir et que celle-ci l'aurait poursuivi. Et c'est ainsi que l'innocence de Youssouf alayhi salam fut démontrée. Et lorsque le mari de cette femme vit la tunique déchirée par derrière, il dit alors « Innahu min kaidikun, inna kaidakun azim. » C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. En effet, quelle ruse et quelle manigance est plus énorme que de tenter de commettre un péché, puis de s'en innocenter en accusant la victime. Après avoir compris cela, après avoir vu que la tunique de Youssouf était déchirée par derrière, et qu'il était donc véridique, le mari de cette femme dit, « Youssouf, a'rid an hada, wastaghfiri li dhanbik, innaki kunti min al-khati'in. » Youssouf, ne pense plus à cela, c'est-à-dire ne te soucie plus de cela et n'en informe personne. Et il dit à sa femme, « Et toi, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. » Il ordonna donc à Youssouf a.s. d'oublier cela, et à sa femme de se repentir et d'implorer le pardon pour son péché. Toutefois, la nouvelle de cet événement se répandit rapidement à travers la ville. Et les femmes se mirent alors à parler sur la femme d'Al-Aziz et à la dénigrer. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet selon le sens, et dans la ville, des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue follement amoureuse, nous la trouvons certes dans un égarement évident. Ceci était pour elle une chose honteuse, car elle faisait partie des femmes influentes. Mais sa passion et son désir du péché prirent le dessus sur elle, au point où elle n'arrivait plus à se contrôler. Et ceci n'était pas digne d'une femme de son rang. C'est pour cela que les femmes la dénigraient. Elle voulut donc mettre fin à leur commérage et leur montrer Youssouf alayhi salam, afin qu'elle voie sa beauté et qu'elle la comprenne et lui trouve des excuses. Alors, qu'est-ce qu'elle fit? Elle les invita chez elle et prépara à manger. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Youssouf alayhi salam de sortir devant elle. Et lorsque les femmes virent Youssouf alayhi salam, elles furent prises d'admiration et se mirent à taillader leurs mains et dire « Qu'Allah soit exalté, ce n'est pas un être humain, c'est plutôt un noble ange. » Lorsque les femmes virent la beauté physique de Youssouf alayhi salam, elles comprirent pourquoi la femme d'Al-Aziz en était éprise. Et cette dernière voulut aussi leur montrer sa beauté intérieure et sa chasteté. Elle dit alors, « Voilà celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. » On voit ici le mérite de Youssouf alayhi salam, qui voulait rester chaste et ne répondait pas à ses demandes malgré son insistance. Elle dit ensuite, « Mais s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Elle dit cela devant les femmes, afin de contraindre Youssouf alayhi salam à se soumettre à sa demande et ses désirs. Mais Youssouf alayhi salam se tourna vers Allah et l'invoqua en disant, « Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. » « Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi ces femmes m'invitent. » On voit donc ici que même les autres femmes se sont mises à inciter Youssouf alayhi salam à répondre aux demandes de la femme d'Al-Aziz et à comploter afin de le faire tomber dans le péché. Mais Youssouf alayhi salam préféra la prison. Il préféra la sanction de ce bas monde car la sanction de ce bas monde est une sanction temporaire, tandis que la sanction de l'au-delà est plus douloureuse et plus durable. Il dit donc, « Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Puis il dit, « Wa illa tasrif anni kaidahun, asbu ilayhinna wa akum min al-jahirin. » Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. On voit donc que Youssouf alayhi salam reconnut sa faiblesse face à cela et implora Allah subhanahu wa ta'ala de l'en préserver. Car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme ne peut rien pour lui-même. Et il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'écarte pas de ce péché, ne le préserve pas de leur ruse, Il risque alors de tomber dans celui-ci et faire partie du nombre des ignorants. Pourquoi elle dit du nombre des ignorants? Car celui qui préfère le plaisir éphémère de ce bas monde à la récompense éternelle est vraiment un ignorant, car il a vendu ce qui est éternel pour ce qui est temporaire. Il a succombé à la passion de ce bas monde, qui est une passion d'un instant, au détriment de la récompense de l'au-delà, qui est une récompense éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: Fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaydahun innahu huwa as-sami'ul 'alim. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est Sami' al-Alim, celui qui entend et sait parfaitement toutes choses. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununahu hatta hin. Puis, après qu'ils eurent vu l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de l'innocence de Yusuf, il leur sembla bon qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. C'est-à-dire qu'afin de faire taire les commérages et que cette histoire soit oubliée, ils ne trouvèrent d'autre solution que de mettre Yusuf alayhi salam en prison. Ils ont donc vu un intérêt pour eux à l'emprisonner malgré son innocence. Yusuf alayhi salam quitta donc la demeure de son maître pour une autre épreuve qui fut l'épreuve de la prison, qui était pour lui préférable à l'épreuve de la tentation du péché. On voit donc à travers ce récit de nombreuses leçons qui sont utiles aux musulmans dans son quotidien pour faire face à la tentation de son âme incitatrice au mal et au péché auquel il pourrait être confronté. On voit premièrement, parmi les enseignements de ce récit, que la patience face au péché est plus difficile et plus méritoire que la patience face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exemple de la maladie, de la prison ou autre. Car celui qui est malade, celui qui est atteint d'une épreuve physique sur son corps, il n'a en réalité d'autre choix que de patienter. Certes, il peut tomber dans le péché en se lamentant, mais au final, il n'a d'autre choix que de supporter l'épreuve. Alors que celui qui se retrouve face au péché, et que son âme est tentée par ce péché, qu'elle a un penchant pour celui-ci, alors dans cette situation, il a le choix. Il a le choix entre résister face au péché, en luttant contre son âme, ou alors succomber à la tentation et tomber dans le péché. Mais s'il patiente, et qu'il fait prévaloir l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura une récompense immense auprès de son Seigneur. Et il n'y a pas de doute que cette patience, elle nécessite de toi de grands efforts, et que tu luttes contre ton âme, et que tu la contraignes à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser ses interdits, et que tu la contraignes à faire prévaloir ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses désirs. Le deuxième bénéfice et la deuxième leçon que l'on tire de ce récit, c'est que la foi véridique et la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala sont des causes pour s'écarter des péchés et pour en être préservé. C'est-à-dire que celui qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est véridique envers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera des péchés et des turpitudes. Il se peut qu'il soit tenté, il se peut que son âme ait un penchant pour le péché, mais sa foi véridique et sa sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala le pousseront à faire des causes pour s'écarter du péché et s'en préserver. Contrairement à celui qui n'est pas véridique, ou alors celui qui a la foi faible et manque de véracité, qui se laissera aller dans tout péché auquel son âme l'appelle. Il n'y a pas de doute que ceci est un signe d'une foi faible, une foi qu'il convient de corriger, et d'un manque de véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est véridique, il se doit de tout faire pour rechercher l'agrément de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, se soumettre à ses ordres et s'écarter de ses interdits. Et si telle est sa situation, que le serviteur est sincère et véridique, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Allah subhanahu wa ta'ala préservera sa vue, préservera son ouïe, l'aidera à ne regarder que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, à n'écouter que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, à faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Mais pour cela, il nous incombe de nous réformer et de purifier nos cœurs afin d'être sincères envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le troisième enseignement est que lorsque tu te retrouves face au péché, il est légiféré pour toi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'en préserve et qu'il te protège face à ce péché. Et tu dois te rappeler de la grandeur de ton Seigneur et de la dureté de son châtiment, qui est la conséquence néfaste des péchés. Il est nécessaire de te rappeler que les plaisirs des péchés sont des plaisirs éphémères qui ne durent qu'un instant. Le fait de succomber à cela ne te procurera qu'un plaisir qui est temporaire. Tu dois donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et te rappeler qu'en commettant ce péché, tu risques d'encourir sa colère et encourir son châtiment. Tu t'humilies donc devant lui et tu l'invoques afin qu'il te préserve et qu'il t'aide à prendre le dessus sur ton âme incitatrice au mal. Et de la même manière que pour le point précédent, si tu es sincère dans ton invocation, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera la réussite et le succès et il te préservera de ses péchés. Le quatrième bénéfice, ou le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est le danger du suivi des passions. Le danger de donner à son âme tout ce qu'elle désire et de succomber à toutes ses demandes. Tu dois te rappeler que tu n'as pas été créé dans ce bas monde sans but. Tu n'es pas un animal qui n'a d'autre souci que de boire, manger et assouvir ses désirs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour un but bien plus noble que cela. Ce but est que tu l'adores sans ne lui donner aucun associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donc ordonné de l'adorer, et pour ce faire, il t'a enjoint des ordres et t'a informé qu'il y a des limites que tu n'as pas le droit de dépasser. Donc tes désirs, ils doivent se soumettre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas les suivre tel un animal sans réfléchir, mais tu dois te soumettre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour toi. Et pour ce faire, tu dois agir comme Yusuf alayhi salam, en te mettant des barrières afin de te préserver du péché. Car il y a des personnes qui se plongent volontairement dans des environnements malsains, dans des environnements où les péchés sont nombreux, dans des environnements où les péchés sont commis ouvertement et sans aucune pudeur. Puis ensuite, ils se plaignent et disent « Je n'arrive pas à résister à la tentation. » Mais avant cela, tu dois faire en sorte de te préserver. À commencer par te soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de baisser le regard. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ » Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Et médite sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de baisser le regard et il te rappelle, en fin de verset, qu'il sait parfaitement ce que tu fais. Si tu ne baisses pas le regard, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et comme l'ont mentionné les gens de science, celui qui laisse errer son regard tombera inévitablement dans le péché et l'adversité. Car le regard est comme une flèche empoisonnée parmi les flèches du diable. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Le regard a un effet sur le cœur semblable à l'effet de la flèche sur le gibier. » Qu'est-ce qu'elle fait la flèche sur le gibier? Ou bien elle le tue, ou alors elle va au moins le blesser. C'est-à-dire que le regard, même s'il ne tue pas le cœur, il va au moins le blesser. Il dit ensuite « Il est semblable à une étincelle jetée dans l'herbe séchée. Il en brûle une partie s'il ne le brûle pas entièrement. » C'est-à-dire que ce regard, il fait partie des péchés qui vont noircir ton cœur, qui vont t'affaiblir face au péché. Et si tu t'y habitues, alors tu risques de tomber dans l'étape suivante, qui est bien plus grave, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et personne ne doit se sentir à l'abri de cela. Aucune personne, aussi pieuse soit-elle, peut se prétendre à l'abri de ses péchés. En effet, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, craignaient la tentation. En rapport de Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, un des imams parmi les imams des pieux prédécesseurs, alors qu'il avait vieilli, il dit « J'ai certes atteint 80 ans, 80 ans, et ce dont j'ai le plus peur pour moi, ce sont les femmes. » On voit donc l'erreur de ces personnes qui se prétendent à l'abri, puis se rendent dans des endroits où les péchés sont nombreux, et qui pensent ne pas être concernés par ces choses-là, comme s'ils faisaient partie des gens du paradis. Il est important de souligner ici que ceci ne concerne pas que les hommes. Lorsqu'on parle de ces sujets, beaucoup ont tendance à penser que cela ne concerne que les hommes, comme si les femmes n'étaient pas sujettes au désir et à la tentation. Or, on voit dans ce récit que les femmes sont aussi concernées par cela. Regardez la femme de l'Aziz, et regardez la réaction de ces femmes lorsqu'elles ont vu Yusuf alayhi salam. Donc les femmes sont aussi concernées par l'ordre de baisser le regard et de s'éloigner de la tentation. Après avoir ordonné aux hommes de baisser le regard, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant: وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et dis aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc les femmes aussi doivent baisser le regard. Et il ne leur est pas permis, comme certains le pensent aujourd'hui, de laisser aller leur regard comme bon leur semble. Mais la femme aussi est concernée par cet ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il lui incombe de baisser son regard. Quoi qu'il en soit, on retient ici qu'il incombe aux serviteurs, hommes et femmes, de faire des causes pour se préserver des péchés, de mettre des barrières, et de ne pas suivre ses passions. Et parmi ces barrières, comme on a dit, baisser le regard, s'écarter des endroits de trouble, se rappeler de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se rappeler que le péché ne procure qu'un plaisir temporaire, et se rappeler que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et plus durable. Le cinquième enseignement que l'on tire de ce récit est qu'il convient à la personne de s'éloigner des endroits où il se retrouvera face à la tentation et au péché. Et on tire cela de l'invocation de Yusuf alayhi salam, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de cette tentation et que la prison était pour lui préférable. Pourquoi? Car en prison, il serait à l'abri de cette tentation. Il serait loin d'elle et serait ainsi préservé du péché. Donc si Yusuf alayhi salam a préféré la prison plutôt que de se retrouver face à cette tentation, que dire d'un homme libre ou d'une femme libre qui sort dans des endroits de trouble où les péchés sont commis au lieu de se mettre à l'abri dans sa maison? Pourquoi ne préfères-tu pas rester à l'abri dans ton domicile, loin des péchés, préservant ainsi ta foi et préservant ainsi ton honneur, au lieu de te rendre dans des endroits où tu risques inévitablement de commettre ne serait-ce que des péchés avec tes yeux, wallah al-musta'an. La sixième leçon ou le sixième enseignement que l'on tire de ce récit est que la personne n'est pas blâmée par le fait d'être tentée par le péché. Mais celui qui est blâmé, c'est celui qui succombe au désir de son âme et qui commet le péché. Quant à celui qui est tenté par le péché et qui le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est tout à son honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala le gratifie et le récompense pour cela. Comme on le trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui a envie de faire un péché et le délaisse, c'est-à-dire qu'il le délaisse pour Allah, il ne le délaisse pas par peur des gens ou par peur de se faire surprendre ou par peur de ce que l'on va dire de lui, mais il le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une bonne action complète. C'est-à-dire que ceci fait partie des bonnes œuvres. Donc tu n'es pas blâmé pour le fait que ton âme soit tentée à commettre certains péchés. Au contraire, ceci peut être pour toi une cause d'un grand bien si tu délaisses ces péchés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car des bonnes actions complètes seront inscrites dans les registres de tes bonnes œuvres. Mais le blâme, comme on a dit, est de succomber au désir de son âme et de tomber dans les péchés. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra la suite du récit de Yusuf alayhi salam dans le cours de demain. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.